Les salutations. Salut. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bien. Pas mal. Ça va? Oui, ça va. Ça va pas. Au revoir. À bientôt. À tout à l'heure. S'il vous plaît. S'il te plaît. Merci. De rien. Excusez-moi. Excuse-moi. Pardonnez-moi. Pardonne-moi. Pardon? Félicitations. Bonne chance. Monsieur. Madame. Mademoiselle.